On l'a appelé l'archange, et pas seulement parce qu'il se prénommait Gabriel, non. Il y avait chez cet homme quelque chose de messianique, cette volonté d'aller jusqu'au bout des choses, quitte à y perdre son honneur, et peut-être même la vie. Et aussi ce sens de la justice, si étonnant, si aigu, et en même temps un peu fou, en ces années où la vertu, surtout dans les milieux politiques, était largement émoussée. Car les scandales ne cessaient de se succéder. Il y avait d'abord eu ces escroqueries en chaîne, garanties foncières, affaires des abattoirs de la Villette, inculpation d'un inspecteur des impôts, publicité clandestine à la télévision, inculpation de policiers et de parlementaires lyonnais pour proxénétisme. Et puis, cette mise en cause du Premier ministre Chaban-Delmas, qui utilisait les ficelles du Code des impôts pour s'abstenir d'être lui-même contribuable. Certes, Chaban n'avait rien commis de répréhensible, mais son cas était choquant. D'ailleurs, dans la presse, on commençait à parler de gaullisme immobilier. Et c'est dans ce climat détestable que surgit un petit homme chauve et discret, l'archange Gabriel. Autrement dit, Gabriel Aranda, un conseiller influent dans le cabinet d'Albin Chalandon, alors ministre de l'Équipement et du Logement. Et dans sa besace, il y avait de quoi faire sauter la République. Monsieur X revient sur cette affaire qui a fini par faire long feu, mais qui a durablement effrayé bon nombre de politiciens au début des années 70. Avec une réponse à cette question, quelle était la vraie motivation de cet homme tranquille qui est soudain sorti du rang avant de disparaître à tout jamais de la scène publique? À l'époque, je m'en souviens parfaitement, le pouvoir, a commencé par le président Pompidou, a présenté Gabriel Aranda comme un exalté, un uluberlu. Ouais. Bref, on a mis en cause sa santé mentale. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Mais il est vrai qu'il y avait un côté fantomas dans la démarche du conseiller d'Albin Chalandon. Cette façon de lancer sa bombe dans la presse, puis de disparaître en se réfugiant dans un palace sous un faux nom. Mais Aranda avait peut-être peur, hein. Ce serait possible. À moins qu'il n'ait voulu frapper l'opinion publique en jouant au passe-muraille. En tout cas, une chose est sûre, Aranda était sérieux, très sérieux même. Et son passé plaide pour lui, mais on ne s'improvise pas d'un jour à l'autre dresseur de tort, surtout quand on a l'intention de s'en prendre aux hommes les plus puissants du pays. Alors, ben, justement, son passé. Aranda est un homme qui s'est fait lui-même. Né dans une famille très modeste, 2 ans avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le jeune Gabriel commence sa vie professionnelle en étant apprenti pâtissier. Une vocation? Ça, je n'en sais rien. Et à vrai dire, j'en doute, car il prend très vite la décision de suivre des cours du soir. Il est excellent en maths, et ça lui vaut de quitter assez vite le fournil. Alors, que fait-il ensuite? Il réussit à se faire embaucher à la SNECMA. Une société nationalisée qui construit des moteurs d'avion. Hein. Principalement, oui. Et il est affecté dans un département où l'on calcule les trajectoires des fusées. On est effectivement très loin des choux à la crème. Là. Ce n'est pas fini. Ouais. Car ensuite, il travaille pour la société d'informatique Bull. Puis, il a alors 25 ans, il entre à la Banque commerciale de Paris, la BCP. C'est la banque de Marcel Dassault. Et cet établissement est alors dirigé par Albin Chalandon. Ah, ben nous y voilà alors. Oui, oui, car ce nouveau job va décider du destin de Gabriel Aranda. Le jeune homme est assez vite repéré par le patron. Pourquoi ? Il fait preuve d'une particulière agilité dès qu'il s'agit de chiffres. Non seulement il possède une intelligence abstraite, mais il se passionne pour le marché et la spéculation. Et puis, ce qui ne gâte rien, il ne ménage pas son temps et il lui arrive souvent de travailler très tard dans la nuit. Il est donc ce qu'on appelle aujourd'hui un trader. Hein. Oui, ou broker, oui. Ouais. Et Chalandon en fait le numéro 1 du département boursier de la BCP. Ouais, c'est une jolie promotion, ça. Ouais, hein. Il a même tellement confiance en lui qu'il lui confiera la gestion du portefeuille de son épouse, la princesse Murat. Voyez donc, Gabriel Aranda n'est pas le personnage loufoque et un peu toqué qu'on essaiera de présenter plus tard. Et sa vie privée, hein? Aranda vit avec sa mère dans un modeste appartement parisien. Au reste, c'est un garçon très timide, toujours mal à l'aise avec les femmes. Un peu homosexuel, hein? Ça vous m'en demandez trop, là. Toutefois, à plusieurs reprises, il a fait allusion à sa volonté de fonder une famille. Enfin, revenons à sa carrière. Après la banque, Aranda se lance dans le journalisme. D'abord dans une publication économique, Entreprise. Puis dans une radio et enfin à la télévision où Jacqueline Baudrier, patronne de la toute nouvelle deuxième chaîne de télévision, lui confie la responsabilité du service économique. Il apparaît à l'antenne ? Oui, et ce petit homme plutôt insignifiant se révèle être un journaliste convaincant qui, avec humour et pédagogie, arrive à rendre clairs les sujets les plus compliqués. Et Chalandon, alors ? Bon, il n'a pas rompu avec lui, bien au contraire, et continue à le fréquenter et même à le conseiller. C'est pourquoi lorsque Albin Chalandon, ministre de l'Équipement et du Logement du gouvernement Chaban-Delmas, lui demande de devenir conseiller technique à son cabinet, Aranda n'hésite pas une seconde. Il rompt avec le journalisme. Provisoirement, ouais. Pense-t-il. Mais s'il accepte la proposition de Chalandon, c'est par amitié ? Non, certainement. Cependant, il y a aussi chez lui l'excitation de découvrir les coulisses du pouvoir, d'autant qu'en ces années pompidoliennes, le ministère dont a hérité Chalandon est l'un des plus importants du gouvernement. Le successeur du général de Gaulle veut moderniser la France à bride abattue dans tous les domaines. Il faut construire des autoroutes, de nouveaux équipements et des logements, des centaines de milliers de logements. Je ne sais plus qui a parlé d'urbanisation violente. Urbanisation forcée. Oui, alors pour construire ces logements, et surtout des maisons. Ce qu'on a appelé les chalandonnettes. Entre autres, oui. Des maisons pas chères, édifiées rapidement avec des matériaux médiocres. Donc, je reviens à ce que je disais. Pour réaliser ces programmes immobiliers, il faut trouver des terrains. Et c'est surtout évident en Île-de-France. On ne tient plus compte du caractère inconstructible de certaines zones. Bref, on fait n'importe quoi. Mais on va reparler de cette question. Attendez quand même, là. Pourquoi ce choix des maisons au lieu de continuer à construire des immeubles ? Non, bah, rassurez-vous, ce n'est pas pour des raisons sociales, mais pour des questions politiques. Je vous explique. Les sociologues ont observé que les occupants des immeubles collectifs commençaient à se plaindre. Et en se plaignant, ils avaient de plus en plus tendance à voter pour l'opposition. Ah oui, d'où cette marche arrière. Oui, enfin, pour le pouvoir, il s'agit de faire, comme le dit aujourd'hui Nicolas Sarkozy, une France de propriétaires. Car les propriétaires votent mieux. Après l'édification irraisonnée des barres d'immeubles et des tours dans les années 60, on assiste donc à cette urbanisation galopante qui mite les paysages et met à bas la politique foncière qui avait été précédemment instituée. En tout cas, ça rapporte beaucoup. Et pas simplement aux promoteurs, hein, aux rois du béton et aux intermédiaires de tout poil. Mais n'allons pas trop vite. Ah, je m'y attendais. Allons, revenons à M. Aranda. Attaché au cabinet d'Albin Chalandon, où cet ancien journaliste s'occupe en particulier de la communication de son ministre, Aranda est aussi plus discrètement son homme de confiance. Il est donc bien placé pour prendre connaissance de certaines des interventions adressées à Chalandon. Elles sont nombreuses ? Incessantes, vous voulez dire. Et elles viennent d'où, alors ? Or, la plupart du temps, ce sont des parlementaires de la majorité qui s'adressent au ministre, ou des amis politiques. Enfin, n'importe comment, les interventions signées par des membres de l'opposition vont directement au panier. Oui, c'est plus simple comme ça. Hein. Et puis, il y a ces intermédiaires que j'évoquais, des gens qui interviennent plus ou moins ouvertement et sollicitent des faveurs. Obtenir, par exemple, qu'un terrain non constructible devienne soudain grâce à une simple signature. Et c'est le pactole. Le terrain prend aussitôt une valeur considérable, 10 fois, 20 fois sa valeur originale. Et l'intermédiaire touche une solide commission. Alors, Chalandon, lui, donne suite à ses demandes ? Parfois, parce que c'est l'intérêt de son parti. S'il ne donne pas satisfaction à tel ou tel, c'est autant de sièges de députés qui risquent d'être perdus pour la majorité. Mais je dois dire immédiatement que le ministre est généralement considéré comme un homme intègre, inaccessible à la corruption. Et pourtant, il aurait maintes occasions de céder à la tentation. Et Aranda, alors, voit donc passer ses demandes d'intervention ? Quelques-unes, oui. Et il en discute souvent avec son patron. Tous deux désapprouvent. Toutefois, ça n'empêche pas Chalandon d'échapper lui-même aux soupçons. Bah, au poste où il est, c'est le contraire qui eût été étonnant. Hein. Vous avez raison. Et quelle est cette rumeur, alors ? Oh, des liens trop étroits avec un important entrepreneur de travaux publics qui aurait obtenu de nombreux contrats grâce à Chalandon, et ça agace le ministre. Alors, il envoie son fidèle Aranda en mission auprès de cet homme. Mais dans quel but, quand même ? À trouver une parade, une défense commune. Mais l'entrepreneur rigole. Chalandon est un hypersensible, un chat écorché. Non, il faut faire le contraire de ce qu'il a fait. Quand on est attaqué, il faut riposter en attaquant à son tour. Et la leçon est comprise ? Je ne sais pas. Et ça n'a aucune importance, car 10 jours plus tard, Chalandon ne sera plus ministre. Dans son livre « L'État piégé », Gabriel Aranda racontait lui-même son entrevue avec ce roi du béton. Un récit très étonnant. Je cite. « C'est l'entrepreneur qui parle. Ce qu'il faut faire en réalité lorsque des salopards vous attaquent, c'est mordre. Moi je mords, tous ceux qui m'attaquent, qui cherchent à voir ma peau, à me couvrir de caca, c'est moi qui leur rentre dedans. Bien sûr, seulement quand ils deviennent dangereux. Car les attaques habituelles, quand on est une vedette comme moi, c'est normal. Mais quand il le faut, je mords. Vous n'allez pas à la chasse? Moi, j'ai un chien. Lorsqu'il voit un chat, il lui saute dessus et il le mord à la gorge. Puis il le secoue jusqu'à temps qu'il crève. Moi, c'est la même chose. Je mords jusqu'à temps que les salopards crèvent. Ce que Chalandon doit faire lorsqu'on l'attaque, le canard enchaîné, l'humanité ou Minute, c'est envoyer à ces gars-là des nègres et des chinois, avec des couteaux. C'est comme ça qu'il faut se battre, en douce, discrètement, avec des couteaux comme celui-là, quelques bons coups de couteau, ou bien vous leur en coupez une sur deux, et puis après vous leur glissez à l'oreille de la part de Chalandon. Moi, j'en ai des nègres et des chinois. Vous n'avez pas donné le nom de cet homme-là, cet important entrepreneur de travaux publics? Bah, quoi bon? Et puis aujourd'hui, il est mort. Cependant, si sur le fond, ce rendez-vous n'a conduit à rien de concret, il a tout de même permis à Aranda de glaner une précieuse information. Bah, quoi alors? Bah, il apprend de la bouche même de son interlocuteur qu'à l'occasion d'un gros chantier à Chanteloup-les-Vignes, dans la banlieue parisienne, 500 millions de centimes sont tombés dans les caisses du principal parti de la majorité, l'UDR. Et pourquoi alors ce grand patron lui fait-il cette révélation? Bah, pardi, parce que le chantier lui est passé sous le nez. Ah, oui. Et que l'affaire lui est restée sur l'estomac. Une sorte de vengeance. C'est ça, oui. Ouais. Et cela ira bien au-delà, car Aranda, faux ou vrai naïf, a été scandalisé par cette affaire. Et pourtant, au cabinet de Chalandon, j'imagine qu'il en avait vu passer d'autres. Hein. Pas vraiment. Et pas de manière aussi crue. Certes, il savait que ses interventions auprès de son ministre devaient donner lieu à des commissions, mais là, on lui révélait carrément comment étaient financés les partis politiques. Admettons, oui. Ben, ce n'est pas fini. Ce même patron, non sans une certaine outrecuidance, laisse entendre que Chalandon ne sait pas y faire. S'il le voulait, d'un simple claquement de doigts, il obtiendrait autant d'argent qu'il le voudrait. Mais de la part de qui? Ben, des constructeurs et des promoteurs, bien évidemment. Des gens qui viendraient manger dans sa main pour obtenir des permis de construire. Et ça aussi, ça heurte Aranda? Assurément. Alors, revenons à ce que vous disiez, là. La fin de la carrière de ministre d'Albin Chalandon. Oui, en juillet 1972. Chaban-Delmas s'est viré. Et vous savez pourquoi? Son projet de nouvelle société passe mal auprès des gaullistes les plus conservateurs qui lui reprochent en outre d'avoir appelé auprès de lui des gens qui venaient de la gauche. Oui, Delors et Nora. Oui, et puis il y avait aussi la nomination de Desgroupes à la direction de l'information de la première chaîne de télévision. En outre, il est vrai qu'il y avait toutes ces affaires qui faisaient que le climat était de plus en plus délétère. Alors, les plus influents conseillers de Pompidou, Pierre Juillet et Marie-France Garraud, ont eu la peau de Jacques Chaban-Delmas. Une simple citation pour montrer combien la situation de Chaban-Delmas devenait de plus en plus délicate. En juillet 1971, Le Canard Enchaîné, qui publiera 6 mois plus tard la déclaration d'impôt du Premier ministre, écrit ceci. Grande truanderie ou petit trafic, au détour de chaque nouveau scandale, on retrouve tout à coup, invariablement, la main basse, les dents lingues, la mine louche de personnages du régime ou liés au pouvoir. Ils sont partout. Jamais les fricoteurs n'ont eu la partie aussi belle, la voix aussi libre. Il faut remonter aux spéculations effrénées du Second Empire ou aux dernières années de la monarchie de Juillet pour trouver l'équivalent. Et c'est aussi l'époque où un membre éminent d'un autre parti de la majorité, Michel Poniatowski... L'homme liche de Valéry Giscard d'Estaing, qui était alors lui-même ministre des Finances de Jacques Chaban-Delmas. Oui, donc Poniatowski propose de purger certaines allées du pouvoir qui pullulent de copains et coquins. Oui, je me souviens. Par conséquent, on peut imaginer que l'attaque a été... l'attaque contre Chaban-Delmas a été téléguidée par VGE lui-même. Ça me paraît clair. Et c'est la future compétition présidentielle de 1974 qui est ainsi amorcée. Mais au moins pour l'instant, restons-en à 1972. Chaban-Delmas est donc viré, et avec lui une bonne partie du gouvernement. Dont Chalandon. Et forcément son conseiller Gabriel Aranda. Alors Aranda qui se retrouve à la rue? Oui, mais enfin il n'est pas à plaindre. D'abord Jacqueline Baudrier lui a dit qu'elle pouvait le reprendre à la télévision, et puis Aranda possède maintenant un gros carnet d'adresses et une expérience très intéressante. Donc, il peut se recaser sans difficulté dans le privé ou la fonction publique. Donc, la perte de son emploi ou le désir de prendre une revanche n'explique pas ce qui va suivre et son futur comportement. J'en suis sûr. Autre chose. Est-ce que Gabriel Aranda aurait pu avoir soudain envie qu'on parle de lui ? Afin de jouer les vedettes ? Non, ça ne lui ressemble pas. Après tout, s'il avait souhaité montrer sa trombine, il lui suffisait de rester à la télé, où il avait fait des débuts très prometteurs. Non, il y a autre chose. Alors, je vous écoute. En juillet 1972, Chalandon et son équipe doivent donc déménager pour laisser la place à leur successeur. Aranda est chargé par son ministre de trier les archives et de sélectionner un certain nombre de documents. Pourquoi ? Chalandon a l'intention d'écrire un livre. Peut-être avec la collaboration d'Aranda. Donc, celui-ci commence à trier et découvre des documents très étonnants. Quoi ? Des demandes d'intervention à titre quinolesque. Enfin, je vous explique. Qu'un député ou un maire écrive au ministre en faveur de l'un de ses électeurs ou l'un de ses administrés, il n'y a là rien d'extraordinaire et ça se fait tous les jours. Mais qu'un élu, important dirigeant de son parti, en outre, intervienne auprès du ministre pour, à l'occasion d'un important contrat, recommander une entreprise de travaux publics, c'est déjà plus curieux. Surtout quand cette entreprise est domiciliée loin de sa circonscription et que le chantier en question se trouve à l'autre bout de la France. Ouais, par conséquent, cet homme doit avoir un solide intérêt à ce que cette société soit choisie. Oui, en dehors des procédures prévues pour l'attribution des marchés publics. Et quand on s'aperçoit que ce même politicien est un champion de l'intervention, on commence à se poser des questions. C'est ce que fait Aranda. Oui. Alors, naturellement, il sélectionne un certain nombre de ces documents étonnants et les photocopie. Mais dans quel but, alors ? Ben, il travaille pour son patron, je vous le rappelle. Ouais. Il n'envisage pas une utilisation personnelle de ces documents ? Pas encore, non. Mais attendez la suite. Aranda remplit 4 caisses de documents. Ces documents photocopiés, Pas seulement, il y a aussi les archives personnelles de Chalandon. Des documents que celui-ci est autorisé à garder par-devers lui. Contrairement aux pièces officielles qui, elles, restent au ministère avant d'être versées un jour aux archives nationales. Et ces 4 caisses-là, que deviennent-elles ? Chalandon les a fait transporter au siège de la banque qu'il dirigeait autrefois, la BCP. Avant d'être placées dans une chambre forte, elles traînaient un instant dans le couloir. Ou n'importe qui aurait pu les ouvrir, alors. Bon, n'importe qui, c'est quand même beaucoup dire. Il fallait d'abord être autorisé à pénétrer dans la banque. Enfin, ne chicanons pas. Quelques jours plus tard, l'ancien ministre, se reposant à la campagne, invite Gabriel Aranda. Chalandon est soucieux. Depuis qu'il a été évincé du gouvernement, il essaie de savoir pourquoi. Est-ce à cause de cette méchante rumeur qui le prétend lié à un puissant entrepreneur ? Une rumeur propagée par qui ? Un homme politique ne manque jamais d'ennemis. Alors qui ? Un jaloux ou quelqu'un à qui il a manqué ou à qui il a refusé un service ? Et c'est là où Aranda intervient. Dans les 4 caisses de documents qu'il a mis de côté, il y a peut-être la solution. Le nom de l'homme qui s'est senti offensé. Pourquoi Chalandon ne passerait-il pas lui-même à l'attaque ? Ce livre qu'il veut écrire serait l'occasion idéale de prendre sa revanche et de dénoncer son calomniateur. Et en même temps, de mettre en lumière la corruption qui règne dans le domaine de l'immobilier ? Parfaitement. Une œuvre ambitieuse qui provoquerait un véritable séisme dans le microcosme politique. Gabriel Aranda racontait lui-même cette discussion avec Albin Chalandon. Dans son livre « L'État piégé » paru chez Stock, il écrit ceci. Le déjeuner s'achevait. La plus grande partie de l'après-midi fut consacrée à discuter de ce livre. Nous esquissâmes un schéma en évoquant déjà la trame de certains chapitres. L'un d'eux concernait les rapports entre la politique et l'argent. Ce que vous y écrirez fera sûrement sensation, me contentais-je d'observer. Il hocha la tête pour m'approuver, oui, tous nos dossiers vont l'argumenter. Il faut vraiment que ce chapitre soit sérieux, fourni. Il faudra citer des faits précis. Vous donnerez des noms ? Bien sûr que non. Je répondis que c'était mieux ainsi. Je savais que celui qui déballerait tout risquerait de tout perdre, de se faire écraser. Comment donner un tel conseil à un ami ? Peut-être l'idée encore fugitive me vint-elle, alors que si quelqu'un devait le faire, c'était moi, et non Chalandon. Il y briserait sa carrière, il compromettrait définitivement son image de marque. L'opinion estimerait qu'il aurait agi dans un but intéressé, pour chercher à se disculper en attaquant les autres. Vous auriez tout à perdre, lui répétai-je. Cependant, je songeais déjà que, si ni lui ni moi ne le faisions, jamais personne ne le ferait. Cette idée me parut insupportable. À l'issue de cette longue conversation, l'ancien ministre demande à Aranda d'ouvrir les caisses et d'y prélever les documents les plus intéressants. Un travail qu'il a déjà effectué, si je vous ai bien compris. Hein. Oui, mais il n'en a rien dit à Chalandon. Sans doute, mais c'est une explication toute personnelle. A-t-il déjà compris que son ancien patron n'oserait pas aller jusqu'au bout? Tant la matière est exposée. Oui, oui, parce que Gabriel Aranda en est certain. Dans les documents qu'il a triés, il y a de quoi faire sauter le gouvernement et ruiner les chances de la majorité lors des prochaines élections législatives. Chalandon, éminente personnalité gaulliste, peut-il prendre le risque de se dresser contre ses amis politiques et être responsable de leur échec? Aranda ne le croit pas. Alors il va passer lui-même à l'action. Oui, oui, ce n'est pas une décision qu'il prend à la légère. Il sait très bien les difficultés qu'il va rencontrer. Les difficultés, mais aussi les risques qu'il peut éventuellement courir, et même des risques physiques. Après sa rencontre avec ce patron du bâtiment... Celui qui parlait des nègres et des Chinois. C'est ça, oui, ouais. Il ne peut en douter. Ouais. Une seconde, là. Cette décision, il la prend tout seul? T'en as fait la bonne question. Mais je vous promets que je tenterai d'y répondre. Alors, voyons d'abord comment va procéder Aranda. Il se rend donc dans cette banque où les caisses sont entreposées. Et il s'empare des documents qu'il a déjà sélectionnés. Il photocopie. Au total, il y a 138 dossiers et les noms de 48 personnalités publiques qui apparaissent. Joli butin, hein? Joli, mais dangereux. Aussi, Aranda s'empresse d'en faire 8 lots qu'il enterre au pied d'arbres de la forêt de Fontainebleau. Ah, il a vraiment peur, alors. Incontestable. Et sans dire ce que contiennent ces cachettes et les documents qu'elles renferment, il confie à deux amis leur emplacement géographique. À charge pour eux de déterrer les boîtes et d'en rendre public le contenu s'il lui arrivait malheur. Ouais, on est en plein roman policier. Ça y ressemble en effet. La suite est tout aussi ébouriffante. Au début septembre, Aranda se rend au siège du Canard Enchaîné dont il est un lecteur assidu. Au fait, on n'a pas parlé de ses opinions politiques. Hein. Oh, Aranda n'est pas un militant. Cependant, incontestablement, il se situe plutôt à droite. Mais c'est un homme honnête, j'allais dire injuste. Il ne supporte ni les menteurs ni les escrocs. Alors je reprends. Au Canard, il rencontre deux journalistes, Hervé Terrasse et Claude Angéli, et leur donne des indications leur permettant de localiser l'une de ces cachettes en forêt. Réaction des journalistes, là? Bon, ils sont intrigués et même franchement sceptiques, mais après tout, ils se disent que le jeu en vaut peut-être la chandelle. Et comme de bons scouts, ils vont gratouiller le sable de la forêt de Fontainebleau. Ils trouvent? Bien évidemment. Mais auparavant, je dois dire que, très honnêtement, les deux journalistes ont dit à Aranda: si ce que vous nous dites est vrai, vous risquez d'être abattu. C'est sans doute pourquoi, aussitôt après les avoir quittés, Aranda prend une chambre dans un palace où il donne un faux nom et à ses proches, il affirme qu'il se rend en Israël. Pourquoi en Israël particulièrement? Vous allez voir, ça n'est pas anodin. En tout cas, dès que les journalistes du Canard prennent connaissance des premiers documents d'Aranda, ils sont effarés et décident rapidement de leur publication. En septembre 1972, sous le titre « Une odeur de pourri », ils rendent compte de trois documents trouvés dans la cachette de la forêt. Ouais, alors on commence par quoi? Il y a d'abord une lettre de René Tomasini, adressée à Albin Chalandon. Ouais, je me souviens, Tomasini, député de l'Eure, hein, si je ne m'abuse, et qui est alors secrétaire général de l'UDR. Hein. C'est ça. Et sur un ton presque comminatoire, il demande à son cher Albin que le contrat de la construction de l'autoroute Narbonne-Bordeaux soit alloué à une société amie qui, bien sûr, bénéficierait aussi de l'exploitation pendant 35 ans. Et quand Tomasini écrit « société amie » Il évoque naturellement une société proche de l'UDR. Et qui rétrocédera donc une confortable commission à ce parti de la majorité. Ça va sans dire. Et entre parenthèses, la publication de cette lettre par le Canard n'arrange pas les affaires de Tomasini, qui devra démissionner du secrétariat général de l'UDR pour avoir trempé dans l'affaire du fichier volé de l'ERTF. Deuxième dossier, encore plus grave. Il s'agit d'un rapport secret établi par un inspecteur des ponts et chaussées et qui met gravement en cause l'administration et les élus dans les drames de Val d'Isère et de Tignes. Ouais, les avalanches. Oui, hein, ouais. En 1970, à Val d'Isère, dans un bâtiment construit pour l'UCPA, on a compté 39 morts. Ouais, le chalet ayant été emporté par la neige. Hein. Or, ce rapport, qui n'a jamais été rendu public, établit formellement que le permis de construire n'aurait jamais dû être accordé puisque le chalet a été édifié dans un couloir d'avalanche. Un passement, donc. Évidemment, avec pot de vin à la clé. Parce que dans les Alpes, l'or blanc commence à flamber. Enfin, le troisième dossier, il s'agit de ce lotissement de Chanteloup-les-Vignes qui a permis à l'UDR de toucher une considérable cagnotte. La parution du Canard enchaîné, le scandale éclate. Oui, oui, et Gabriel Aranda, qui se sent maintenant intouchable, quitte son palace et répond à de nombreuses interviews dans la presse écrite. Et c'est dans l'une d'elles qu'il fait référence à Israël. Mais que vient faire Israël dans ces affaires de corruption française ? Assez curieusement, Aranda, qui précise qu'il n'est pas juif, dénonce la vente de Mirage à la Libye. Des avions qui peuvent porter gravement atteinte à la sécurité d'Israël. Et il menace. Si ces ventes immorales d'armement ne cessent pas, je publierai d'autres documents. Ce que n'importe comment il fera. Hein. Oui, alors on s'interroge, n'y aurait-il pas derrière Gabriel Aranda des agents israéliens, des agents qui auraient monté ces affaires de toutes pièces? Puis c'est une explication qui arrangerait bien le pouvoir. Hein. Et vous y croyez, vous? Absolument pas. Ah bon? Mais ce mélange quand même entre des scandales immobiliers et cette vente d'avions de guerre à Kadhafi... Ne montre-t-il pas que l'archange n'est pas tout à fait équilibré? Franchement, je n'en sais rien. Car la suite montre que Gabriel Aranda se conduit de façon parfaitement raisonnable. Alors, avant de voir ça plus précisément, là, comment réagit le pouvoir après la publication de cette première vague de documents? 3 jours plus tard, Aranda est inculpé de vol, complicité et recel. Et tous les services de police sont chargés de le retrouver. Il est donc traité comme un malfaiteur. Ce qui montre, entre parenthèses, qu'il a touché juste. Mais il ne se cache plus. Il n'empêche que pendant 2 ou 3 jours, il se rend à ses rendez-vous avec chapeau et lunettes de soleil. Et la réaction d'Albin Chalandon? Il se dit chagriné, mais au moins au début, il se garde d'accabler son ancien collaborateur et attribue son acte à une dépression passagère. Ouais, bref, Aranda ne serait pas dans un état normal. C'est ce que Chalandon suggère. Et un peu plus tard, au cours d'une conférence de presse, le président Pompidou, qui consacrera 15 minutes à cette affaire, n'hésitera pas à traiter Aranda de mythomane, quoi qu'il en soit. Recherché par la police, Aranda prend les devants, se rend au palais de justice et propose au juge d'instruction qui l'a inculpé de lui livrer des documents. Ces documents? Oui. Le juge le fait incarcérer? Non. Aranda échappe à la prison à condition de donner l'intégralité des pièces qu'il a photocopiées. L'archange se rend donc à Fontainebleau et en revient avec tout son trésor. Il espère alors sincèrement que la justice va se saisir de tous ces dossiers qu'il apporte. Mais il ne tarde pas à déchanter. Alors que lui-même demeure inculpé, les magistrats n'ont rien de plus pressé que d'étouffer toutes les affaires qu'il a repérées et déterrées. Et pourtant, il y a de vraies perles. Des exemples? Un nommé Guy Frick. Un fric? Je n'en m'entends rien. Donc ce fric, trésorier de l'UDR, demande à Chalandon que des marchés publics soient attribués à 2 bureaux d'études proches du parti gaulliste. Un autre, Claude Labbé, député des Hauts-de-Seine, intervient à 11 reprises pour obtenir des marchés de gré à gré en faveur d'entreprises privées. Et puis, bien sûr, il y a toutes les demandes d'intervention de René Tomasini. Et toujours à propos de concessions autoroutières. J'arrête là, car il y en a une flopée d'autres. Et tous passeront à travers les mailles du filet? À l'exception d'un seul, un député de la Drôme. Mais il faut dire que celui-là a fait très fort. Il a confectionné un faux permis de construire pour un supermarché avec, en tête, photocopié du ministère de l'Équipement et du Logement. Oui, effectivement. Et Aranda, lui, qu'est-il devenu? Il a fini par être condamné, non pas pour vol, mais complicité de diffamation envers son ministère. Mais il était déjà parti pour l'étranger où il s'est fait oublier. Ce qui montre bien qu'il ne cherchait pas la gloriole. Alors, pour revenir à la question fondamentale, pourquoi? L'explication la plus simple, c'est qu'Aranda était un authentique redresseur de tort qui voulait, comme il l'a dit, nettoyer les écuries d'Augias. Et vous y croyez? Ça me paraît très vraisemblable. On peut aussi imaginer qu'il a été poussé par des gens qui, comme lui, ne supportaient plus l'affairisme ambiant et qui, plus hypocritement, voulaient simplement embarrasser le pouvoir. Et les candidats ne manquaient pas. Enfin, il y a aussi une explication beaucoup plus machiavélique. Rappelez-vous cette journée à la campagne dans la demeure d'Albin Chalandon. Mais oui, il est question de l'écriture d'un livre. Hein. L'ancien ministre a lancé l'idée. Mais il convient que l'entreprise est dangereuse et que lui-même, étant donné ses amitiés politiques, ne pourrait pas tout dire. Et pourtant, il y aurait tant à raconter. Ce serait faire œuvre de salubrité publique. Et ce faisant, il tente Aranda. Exactement. sans le dire explicitement. Il invite Aranda à agir à sa place. Et c'est ainsi que l'archange engage un combat que l'ancien ministre ne peut assumer. En somme, il veut aider son ami Chalandon qui n'a toujours pas digéré son éviction du gouvernement. C'est ce qu'il se dit, tout comme il n'ignore pas que le ministre ne pourra faire autrement que de prendre ses distances avec lui. Alors quoi ? Il se sacrifie ? Non, non, il a simplement la faiblesse de croire en la justice. Je ne résiste pas au plaisir de citer quelques lignes d'un éditorial du directeur du journal La Nation, organe officiel de l'UDR. À noter que l'auteur de ces lignes n'est autre que Michel Habib Deloncle, lui-même mis en cause dans un des documents de Gabriel Aranda. Tout se passe comme si, au lieu de saisir la justice, il entendait l'exercer lui-même. Mais quelle qualité a-t-il pour cela ? D'avoir fouiné dans les dossiers, volé des documents qui ne lui appartenaient pas. Quel beau brevet de civisme. Où irait notre société si, sous prétexte de s'ériger en épurateur, les facteurs ouvraient les lettres, les banquiers publiaient les mouvements de compte de leurs clients, les avocats et les médecins dévoilaient les confidences recueillies dans leur cabinet, les prêtres violaient le secret de la confession. Bref, si tous ceux que leurs fonctions conduisent à avoir connaissance des affaires particulières d'autrui, se croyait autorisé au nom de la morale à les jeter sur la place publique.